compris que je t'aimais. Quand sans ton regard, je me suis sentie seule. J'ai senti ma tête tourner comme dans un rêve. J'ai eu si peur que tu ne reviennes plus. J'ai compris que je t'aimais. Quand tes mots ont réveillé toute ma colère, j'ai senti trembler la terre sous mes pieds. J'ai eu si peur que tu ne me parles plus. Moi qui te disais quelques jours plus tôt, en parlant d'amour, que j'étais solitaire, que désormais j'avais quitté ce rêve, l'espoir de rencontrer un compagnon fidèle, et te voilà. De rencontrer un compagnon fidèle, et te voilà.